bien. On chauffe un peu. On verra bien. Ouais, Charlotte, l'ancien. Ouais, je suis grec. Wesh. Ouais, on connaît pas. Franchement, ça passe. Ok, ouais, ça fout. Ouais, la vérité, moi, je pas la tête à ça, je vais écrire plutôt. Ouais, je suis en location, si vous voulez. Kader, il fait un charge. Ah, pas n'importe quoi, elle est au nom de mon frère. Non, vous voulez sortir, on va voir. Non, vas-y, moi, je reste pas pour écrire. Vas-y, les gars. Passez une bonne soirée. Vas-y, merci, frérot. Alors là, quoi, au fait, à vite, je compte rester bloqué dans les 4 tours. Quatre tours, quatre trous, quatre genoux, quatre plumes, quatre blondes, j'parle plus, quatre barres, j'calcule, Bagdad, Erbel, Sparta, Bosniak, Meskin, connais pas la mosquée, préfère l'adoration que sa grosse liasse. Je te ramène le tosma. Qui peut te dire que Y elle pose mal? Je peux y aller doucement. Je crois ça t'énage l'énergie cosmique. Pas écolo mais la base se consume. Et pas économe pour que ma mère se console. Vie de partout, je t'offre au quartier. Je vais chez Cartier pour le pardon. L'arlar est parti. De bouteille plus tard, l'arlar est par terre. Parce que les riches ça sont mal répartis. Qu'on nous regarde depuis Charles Martel. Pour faire les comptes, je suis bon écolier. J'ai servi ce connard, je serre les colliers. Je peux berner ce monde là comme Berlusconi. On termine pas le deal, je te sors la baille d'abord, je suis patine, vindicatif, il faut des lovés à l'indicatif, les indications du prédicateur sont assez précises. Faut assumer fils, faut assurer vite, ne m'en veux pas si t'as pas su rêver. Je dois prendre soin de mes refrains, ne m'en veux pas si t'as pas su rêver. Faut que j'avance gros, je délaisse mon revers, ne m'en veux pas si t'as pas su rêver. J'ai tourné dans le top. Y'a trop de porcs qui nous condamnent. Oh non, j'prends du bon temps, j'ai le bon clan, j'fais du bon taf. Je veux trop de love, j'suis déterminé. Je veux trop de love, j'suis déterminé. Je veux trop de love, trop de love, trop de love, j'suis déterminé. Sors d'avant deal et je sors devant vie. J'sors des horreurs qui sont à peine audibles. Même si le sang de ma veine est maudit, que mon fils va devenir un Audi. Qui se fera rafaler dans sa Audi. À cause des bâtards qui regardent les decks. J'les vois bien se faire exécuter, combien ça va me coûter. Je veux que leurs parents les perdent. Ton joint c'est mon joint, ta vie c'est ma vie. Et la vie c'est qu'un jeu. Va doucement, tu le piques doucement, tu le frappes. Putain de flic, il est jeune. À force de voir tous les bleus en rouge. La ville est grise, on effrite le jaune. Les opposés s'attirent, ma rien n'est pas franche. Mon pote est noir, vent de la planche. Sors la farine, j'ai du pain sur la planche. Sors la farine, j'ai du pain sur la planche. Sors le magot qui est caché sous la planche. Sors le poison, trempé dans la flèche. On attire l'œil et la jalousie. Prends du Red Bull, on va pas s'amuser. Car la route est longue, un combat de trop. Entre les bouches du Rhône et l'Andalousie. Merde. Je dois prendre soin de mes refrains. Ne m'en veux pas si t'as pas su rêver. Faut que j'avance gros, je délaisse mon revers. Ne m'en veux pas si t'as pas su rêver. J'ai tourné dans le top. Y'a trop de porcs qui nous condamnent. Oh non, j'prends du bon temps. J'ai le bon clan, j'fais du bon taf. Je veux trop de love, j'suis déterminé. Je veux trop de love, j'suis déterminé. Je veux